بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس ان شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-sabiq manhajiyya mukhtasara fi talab al-ilm. Ay al-tariqa, tariqatu al-talab. فمن يلخص هذه الطريقة c'est qui résume ou il cite des points que Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah il a cité des points importants pour celui qui veut étudier l'ilm al-shur'i فماذا ماذا ذكر عند من عندك التدرج أحسنت التدرج فيبدأ بالأهم فالأهم ما معنى التدرج؟ T'as compris quoi de تدرج petit à petit؟ Bah, par exemple؟ Les moutons, comment ça prend les moutons؟ نعم. Au début؟ نعم. نعم. Apprendre les moutons, les usul avant de passer aux étapes supérieures. أحسنت. Commencer par les usul avant de passer aux étapes supérieures. زيد. تفضل. قبل ذلك. On est toujours في التدرج. كذلك عندما il commence par quoi la chose la plus importante par التوحيد ça c'est من التدرج لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من أجل هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون il commence par التوحيد il commence par des رسائل simples pour les débutants ويتدرج شيئا فشيئا. ثم il a cité ماذا il a cité une chose importante pour pouvoir comprendre هذا العلم عندك اللغة العربية فماذا développe أحسنت لأن هذا الدين سبي العربية أي تفضل كتب نعم الكتب القرآن الكريم سنة النبي عليه الصلاة والسلام سي لونغ عرب كذلك نعم العلماء أهل العلم أي سي بيرسون كي نوز زيد أ كومبخوند هذا الدين إي بارل أن عرب فلا بد ك طالب العلم يفاس دي زيفور في هذا الباب حتى إي كومبخوند هذه اللغة السلدغة سي لا كلي pour comprendre العلم الشرعي et au départ comme on a dit faire des دروس avec les deux langues la langue arabe en tant que base comme on fait نحن et المدرس il explique en arabe et avec la langue que les élèves y comprennent في هذه الطريقة une فائدة عظيمة on n'a pas besoin d'étudier, de prendre comme base un livre en français, traduit. Voilà, il n'y a pas une grosse utilité. Le mudarris, il est là pour هذا. Va prendre une base en arabe, ça habitue à talib d'écouter, d'entendre la langue arabe, il se familiarise avec cette langue, en même temps il apprend des mots, et le mudarris, il est là pour lui expliquer le sujet. C'est une tariqa nafi'a en attendant de passer à la langue arabe le temps que talib il l'apprend. C'est anfa'. Kadhalik, il fait des efforts fi madha? Al-talib au départ, khassatan au départ, il fait des efforts fi? Al-hifz. Pourquoi? Pour sortir les hadiths. Non, parce que al-hifz, ça va être une base que tu auras dans ton cœur, tu auras appris cette chose par cœur, enfin, tu vas te reposer sur cette base, sur ce maintenant. Et tu auras les adillah par cœur. Et tu auras un matn d'un cheikh min ulama al-islam, et ça te servira, comme on l'a dit, de base. Toujours tu reviendras à ce matn. Et chaque matière, et on a cité des exemples dans le dors précédent, chaque matière, il y a des moutons à apprendre. Ça te servira de base, et tout ce que tu apprendras après ce matn, et il est drôle ce que tu feras avec ton mudarris, tu développeras ce matn. Et c'est ça l'ilm. Amma pas de hib, pas de matn, pas de langue arabe, pas de régularité, pas de tadarruj, shay'an fa shay'an. Ça, l'insan, il n'avancera pas fil. Il aura des informations, comme on l'a dit. Il saura que Shir Foulan, il a dit, ou il a entendu, ou il sait qu'il y a un livre dans ce sujet, et ça s'arrêtera là. Amma ilm, mu'assal, ayant ta'sil ilmi, avec un hib, avec de la quwa ilmiya, et il espère faire profiter les autres de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité dans l'apprentissage, t'es obligé d'avoir هذه الطريقة. Et alhamdulillah, elle est comprise. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. On a cité des livres, des comment faire le tadarruj. On a cité des exemples dans le tawhid, dans l'aqida, dans le fiqh. Et inshallah ta'ala, le talib fait des efforts jusqu'à il arrive à un niveau طيب pour qu'il comprenne son din. يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره إن شاء الله. ثم قال الشيخ سعدي رحمه الله وعلى المعلم. الشيخ عبد السلام إلى cité comme titre ما ينبغي على العالم لتلميذه. Ça c'est مهم. ما ينبغي على العالم لتلميذه. أي le comportement du professeur, de l'enseignant avec son élève. Le titre de cette risala, c'est min adab al-muallimin wal-muta'allimin. Cheikh Saadi traite le sujet en deux parties. Des choses qui sont liées avec le professeur, des comportements, et des autres choses avec l'élève. Enfin, le professeur, il doit avoir un comportement, il doit avoir une méthode. كذلك l'élève, il doit avoir un comportement et il doit avoir une méthodologie pour apprendre. Et le professeur, il doit avoir une méthodologie pour enseigner. Cheikh Saadi al-An, rahmatullah alayhi, il va conseiller al-mudarris, le professeur. Et ça, c'est muhim. C'est muhim pour al-talib. Et ça fait partie de al-manhajiyya, si tu veux avancer fil ilm, de choisir un mudarris qui est à la khayr. De choisir un mudarris qui a du ilm. Qui a appris lui-même l'ilm. لِأَنَّ فَاقِدَ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ. Celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner. Enfin, si tu apprends l'ilm, عِنْدَ جَاهِلٍ, lui-même il ne connaît pas, comment il va te faire profiter d'une chose que lui-même il n'a pas? C'est comme demander de l'argent à un pauvre que lui-même il a besoin. Lui-même il n'a pas, enfin, comment il va donner à un autre? فالعلم هكذا اولا تشوزي ام معلم ام مدرس كي ادعو علم كي ايتدي هذا العلم الشرعي عند اهله فالسو مدرس سي لو ليان entre toi اخي الكريم et le savant si tu peux pas directement étudier chez le savant كذلك سو معلم سو professeur il doit être على السنه. احذر كل الحذر de prendre العلم عند اهل البدع والاهواء لان المبتدع الضال المنحرف si tu prends العلم عنده il te donnera, même s'il te donne du ilm, il te donnera avec, il propagera son égarement et ça sera toi sa victime. فهذا لا يجوز. أنت مأمور بطلب العلم الشرعي. أنت tu dois faire des efforts pour apprendre l'ilm. Tu dois pas apprendre الضلال والانحراف. On fait attention, choisir le mudarris, c'est muhim. Fahdar, min al mubtadi'a, les salaf, ils ont beaucoup mis en garde. Ani al mubtadi'a, قال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. نعم, c'est une maladie pour ton cœur de fréquenter, de s'asseoir avec أهل البدع. ما بالك de prendre العلم عنه عنده عنده ما بالك, ça te fera du mal جدا جدا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا, الركون c'est se rapprocher, s'appuyer, fréquenter. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم والمبتدع ظلم نفسه. Il est injuste envers lui-même et il est injuste envers les autres. لماذا؟ لأن il a délaissé سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, c'est une cause, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ pour العذاب, une cause de châtiment, c'est fréquenter أهل الضلال. فَفَيْ attention, كَذَلِكْ إِحْذَرْ مِنَ الْمَجْهُولِينَ, fais attention de prendre l'ilm chez une personne dont tu ignores où il a appris. C'est quoi son hal, c'est quoi ses positions. إِحْذَرْ, ربما هذا المجهول, tu sais pas son hal, ربما t'étudies chez lui et tu deviens proche de lui et t'as pris de lui, et ربما بعد حين, après une période, يظهر لك أنه سمنحرف, أنه il a des أفكار خبيثة, et c'est très difficile de se séparer de lui بعد ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. On fait attention, que ça soit l'achat des livres, que ça soit l'écoute des doros, que ça soit prendre l'ilm directement, عند هذا الشخص, on fait attention son hal. Les anna, on vit dans une époque où c'est pas tous ceux qui font apparaître sunna, ils sont à la sunna, et c'est pas tous ceux qui prétendent annahum ils ont du ilm, annahum ils ont du ilm. Fahdhar, fais attention, on vit dans une époque de fitan. Vaut mieux prendre un peu chez un sunni, un salafi, vatastavid, dit-il, surtout si tu as la bonne méthode, que aller n'importe où, prendre l'ilm chez n'importe qui, et à la fin, tu as plus de shubuhat que d'ilm. Et هذا العلم, si c'est du ilm, il y a dhurruk, il y en a, c'est mélangé. Fa'awwalan, on purifie ses sources. Première étape, la bonne intention, tu connais la méthodologie. Al-an, tu dois apprendre. Fais attention où tu mets les pieds. Hada, c'est muhim. Si Allah subhanahu wa ta'ala est tawaffaq chez un mudarris, un sunni, un alim min ulama sunnah, tu dois avoir un comportement. Et ça, c'est les prochains chapitres qu'il va citer. Awwalan, Cheikh Saadi va parler du muallim et du professeur. Qal wa ala al-muallim أن ينظر إلى ذهن المتعلم. Ça, ça nous montre أن المعلم il doit avoir lui aussi une façon de faire. العلم, il y a une méthode pour le donner et pour que cette étude elle soit bénéfique. Enfin, c'est pour ça on conseille nos frères qui font des doros ou qui veulent faire des doros, أولاً eux-mêmes d'apprendre comment donner هذا العلم. Enfin, tu donnes pas tout ce que tu sais. C'est pas une méthode. Elle. Premier jour, tu donnes à tes élèves tout ce que tu connais. Dans un sujet là, il y a des choses qu'ils comprendront pas. Peut-être que toi, tu as un niveau. Et il n'y a aucun doute que tu as un niveau plus élevé qu'eux parce que tu es le professeur. Enfin, tu dois leur donner par rapport à ce qu'ils comprennent. Par rapport à leurs besoins, par rapport à leur niveau au départ. Et petit à petit, à ma premier jour, et ils citent des choses qu'ils comprennent pas. Ou il mélange. Ou un jour il parle d'une chose, deuxième jour il finit pas, il enchaîne dans une deuxième chose. At-tullab fi hadha al-hal, ça va plus les désorganiser, les déranger qu'autre chose. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts en tant que professeur. Al-mas'ouliya al-'azima, la responsabilité. Kadhalik, on conseille les frères que si ils donnent des dorous ou ils font da'wah, ils font ça de, avec une manière, avec une façon, taïb, et il donne du temps. On bâcle pas. C'est le mas'ouliya. Ce frère, il prend des drouz indak, ou il t'écoute, il te fait confiance. Enfin, tu dois te donner à fond, fihad. Tu dois faire des efforts. Amma bâcler les choses, ne pas donner le haqq à ce livre, ou à ce frère, c'est le mas'ouliya. L'insan da'iman, il pense à cette responsabilité, et il fait des efforts, et il fait les choses de la meilleure manière. قال وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه. Première étape, le professeur, il doit connaître le niveau de ses élèves. Est-ce que c'est des débutants? Est-ce qu'ils ont déjà طلب العلم? Est-ce qu'ils connaissent l'arabe? Ils en sont où dans la mémorisation? C'est pour ça qu'au départ, on vous pose des questions. Est-ce que tu as fait tel livre? Est-ce que tu as appris ça par cœur? T'en es où fihad? Hatta on a un aperçu du niveau. On s'adapte. On sait par quel livre il faut commencer. Des frères qui n'ont jamais fait de tawhid, on sait qu'il faut commencer par Al-Usul Thalat, ou Al-Qawaid Al-Arba, ou Al-Wajibat. Une petite risala au départ, pour lui donner des bases. Ça, c'est muhim. Qala, fala yada'hu yashtagil bi kitab la yunasib hala. Ça, c'est muhim. Le professeur, il ne doit pas laisser ses élèves s'occuper avec un livre qui n'est pas adapté à leur niveau. C'est pas tous les livres qui se lisent au départ. Même si c'est le livre d'un savant de la sunna. Les anna, ton temps, il est limité. Ta vie, elle est limitée. Tu ne pourras pas faire tous les livres. Donc, par rapport à ton niveau, tu dois choisir le livre qui est adapté à toi. Dès que ce livre il est adapté, fais des efforts. Mathalan, nous, on a choisi Al-Usul Thalat. Il est adapté. Al-An, fais des efforts. Apprends-le par cœur. Assiste au Doros, révise. Et ton énergie, tu la mets dans ce livre. Tu ne peux pas faire en même temps l'Umat al-I'tiqad, Kitab al-Tawhid, Umdat al-Ahkam, du Tafsir. Tu ne peux pas faire tout ça en même temps. Tu es un être humain, tu n'as qu'un cœur, et ton énergie, tes forces, ils sont limités. Enfin, tu te concentres sur ce livre que le Mudarris a choisi. Et ça, ça fait partie du comportement. Du comportement de l'enseignant de Mudarris, et il t'a montré, et ton comportement à toi d'accepter et d'appliquer. قال, فإن هذا من عدم النصح. Ça fait pas partie de nasiha, du bon conseil, de laisser ses élèves lire et être désorganisés. Lire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Se désorganiser. Ne pas avoir une méthodologie. فلهذا on conseille كثيرا في هذا. Ça c'est من النصيحة. Fais telle chose, délaisse telle chose. Et l'élève, il doit être heureux في الحقيقة. Que son مدرس lui montre. Et il le conseille. C'est qu'il veut son خير. فالنصيحة c'est مهم. النصيحة entre le professeur et ses élèves. قال فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم وللنسيان. نصيحة طيبة. Faire des efforts dans un livre, dans un matn, avoir un dars, c'est mieux que lire trois livres ou apprendre trois livres en même temps, avoir trois doros et à la fin, al-fa'ida n'est pas kabir. T'as appris un peu là, un peu là, un peu là, et vu que c'est pas organisé, vu que c'est pas bien appris, quelque temps ça disparaît. Amma qalil, peu, maîtrisé, mémorisé, compris, inshallah, ça restera. Et tout ce que tu feras après, ça t'augmentera ce fondement, cette base. C'est ça l'ilm. قال وكذلك يلقي عليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه. Et ça c'est مهم. Le dars, c'est l'enseignant, il doit s'adapter aux frères, aux élèves qu'il a en face de lui. Il explique avec des mots simples. L'essentiel c'est de comprendre le livre du savant. On n'a pas besoin de emmener beaucoup d'autres paroles. Maintenant, on pourrait citer, Cheikh Foulan il a dit, un autre Cheikh il a dit, un autre Cheikh il a dit. C'est pas le but. Ça viendra, Inch'Allah, quand tu liras, quand tu auras la capacité de faire tes recherches. L'essentiel, c'est de concentrer sur le maintenant. comme on fera dans l'usul al-thalat. Concentré sur le mat, et il comprend la parole du shir, du livre qu'il a en face de lui. Et t'avances. Avec des paroles simples. Avec des phrases simples qui comprend. L'essentiel, c'est que l'élève, il comprend à hada dars. قال ولا يخلط المسائل بعضها ببعض. Et ça c'est muhim. C'est que cet enseignant, ce professeur, il a une méthode. Il mélange pas. Il sait par quoi il faut commencer et il sait le cheminement qu'il doit avoir à tariq. Et petit à petit, et l'élève, dars après dars, l'élève il sent qu'il progresse. Il a appris des mots, il a appris une masala. Il a appris, il avance dans l'apprentissage, dans la mémorisation. Et c'est ça l'aide. Elle m'a mélangé. Un jour, on arrête, on fait un autre, on fait une autre mas'ala, on fait fulani l'a dit, on fait... À la fin de la semaine, c'est tout mélangé. Tu sais plus où t'en es dans le livre. Tu sais plus, le modres, il veut en venir où. Et tata'ab. Et c'est une cause que l'autre talib, il délaisse. Ça, ça nous montre l'importance d'étudier inda ahl al-ilm et inda talaba. طلبات العلم qu'ils ont compris comment donner هذا العلم. Ça c'est muhim. Hatta tu perds pas ton temps. Léana, ça arrive que l'élève il est sérieux, il est motivé, il a la bonne méthode, là le problème il vient du professeur. Ça arrive. Une mauvaise méthode, le dars, c'est un dars qui doit durer une semaine ou deux semaines, il dure deux mois. Hatta c'est pas tayyib. Léana, chaque chose on doit donner son haq. Ah, c'est un livre qui doit durer deux mois et il dure une semaine. Là, on doit donner le haq à chaque chose. Et l'essentiel, c'est que ce talib profite. C'est ça l'essentiel. Un professeur qui veut se débarrasser et il va vite. Ah, ou un professeur qui fait ça pour l'argent. Alors, il a l'argent. Et après, que l'élève il a compris ou pas, ouah, c'est pas son problème. Alors, il va aller plus vite. C'est ça qui fait du mal. Sallallahu alayhi wa sallam. قال وينبغي أن لا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق فإن درك فإنه درك للسابق وبه يتوفر الفهم على اللاحق. Ça c'est important. Quand on traite un sujet, il faut que ce sujet soit compris. C'est ça le but. On n'a pas à passer à un autre sujet jusqu'à que le premier sujet il est compris, et ça nous facilitera à comprendre la suite. Falehada, celui qui n'a pas compris une chose, il le dit, il demande, il dit akhi, j'ai pas compris. Nous on va basculer dans un autre sujet. Matalan al-usul al-thalat, on va voir l'asl al-awwal, ma'rifatullah. T'as pas compris des choses, il faut les comprendre. Maintenant on va passer à une chose après, al-asl al-thani. Après, on va passer à l'asl al-thalit. Et après, inshallah, on passera à un autre livre. Anta, si tu n'as pas compris, tu dois demander. Et le mudarris, il doit prendre le temps de t'expliquer. Dès que tout le monde a compris, il passe à une étape supérieure. قال فأما إذا أدخل المسائل والأنواع بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول. Si il ne fait pas attention, ce professeur, et il mélange, et il n'explique pas correctement, et il passe à un autre sujet alors que le premier sujet il n'est pas compris, l'élève il comprendra ni le premier ni le deuxième. Et ça tu le vois dans les écoles. Tu le vois dans les écoles. Et pas l'ilm shar'i, les écoles où on n'a suivant. Tu trouves qu'ils n'ont pas beaucoup d'inaïa avec les élèves. Parobama une année et l'élève il a rien suivi. Thomas Obama il passe à la classe supérieure et il a rien compris. Il arrive le jour du diplôme, vu que personne fait attention à lui et vu que lui-même il fait pas des efforts, le jour où il doit passer son diplôme il comprend rien. Thomas il finit à la rue. Et là où il y a aucune inaya, c'est pas ilm lillah, et lui-même ça l'intéresse pas et il est pas encadré. Enfin, les années elles passent. Obama بعضهم des années ils étudient une langue. L'anglais ou autre. Un an, deux ans, cinq ans, dix ans, il ne peut pas faire une phrase. Nous, dans l'ilm shar'i, ça ne doit pas être comme ça. Nous, on ne fait pas ça pour un diplôme. On ne fait pas ça parce que c'est obligatoire. Et on est forcé et on n'a aucune motivation. Là, on fait ça parce que c'est obligatoire, parce qu'on aime et on doit faire des efforts. C'est une ibada. Mais les écoles, beaucoup d'élèves, ils vont parce qu'ils sont forcés. L'essentiel, il va, il s'assoit. Ouais, il n'aime pas cette chose et il ne veut pas avancer dans cette chose. Enfin, il n'avancera pas. Nous, là, sujet, il est maîtrisé parce que c'est du din. C'est du din. Et nataqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala bihada. C'est pour ça qu'on est motivé, walillahi alhamd, walau s'il n'y a pas d'argent, walau s'il n'y a pas de diplôme, walau. Oh, ça nous motive. On sait que la récompense, c'est rida Allah azza wa jalla. قال فأما إذا أدخل المسائل والأنواع بعضها ببعض قبل فهم المتعلم إيه ملونش alors que l'élève il a pas compris, il rajoute un sujet, ثم يرجوت une مسألة, ثم يرجوت une règle, ou l'apprentissage par cœur, il a pas encore fini, الطالب, il a pas maîtrisé la première partie, il lui rajoute une autre partie, et ce طالب il révise mal, ce طالب الآن il avancera plus, il arrivera à un moment il va saturer. قال فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق ثم تتزاحم المسائل التي لم يحققها على ذهنه فيملها تتزاحم المسائل. Il va arriver à un moment, il aura plein de sujets. Il aura traité un sujet dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Ça sera beaucoup pour lui. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris le premier sujet. Tombe un deuxième, il est rajouté. Tombe un troisième. Il ne comprend plus, sa poitrine elle se serre, et Obama il délaisse. Il délaisse le cours. Et ça, on l'a vu et ça arrive. La solution, c'est étape par étape. Commencer par un livre que tu peux comprendre, un livre simple. Si tu ne comprends pas, tu demandes. Al-Mudarris, il va tout doucement. Kadhalik al-Mudarris, il interroge ses élèves. C'est pour ça qu'on interroge Kathiran, pour savoir est-ce que vous suivez Amla. Il y a des frères, ils ne demandent pas. Donc on est obligé, on demande, on pose des questions. Dès qu'on voit que l'alhamdoulilah s'est maîtrisé, on avance. Si c'est pas compris, on prend du temps. Le but c'est de comprendre. Pourquoi avancer alors que c'est pas compris? On n'est pas pressé. Le livre, si on le finit, normalement on le finit mathalan en 3 semaines. Si on le finit en 4 semaines, on rajoute une semaine, il n'y a aucun mal. Belle, 7 semaines c'est une ibadah, c'est du ajr. On est à la khayr. Enfin, ne pas se précipiter fil ilm. Ne crois pas que c'est en allant vite que tu vas arriver là. Tu vas arriver à un objectif, inshallah ta'ala, avec la bonne méthode, et avec la sincérité, et avec les efforts. Ah, mais se précipiter, tu vas arriver, t'as fini le livre, si t'as rien compris. Elle est où le faïd? Comment tu vas appliquer une chose que t'as pas compris? قال ويضيق عطنه عن العود إليها. نعم. Robama, il a plus la force. Il est fatigué. Il comprend plus. Obama, il n'a pas la force de tout refaire, tout réviser. Shaitan, il le pousse et il délaisse. Il délaisse, il ne peut plus. On fait attention avant d'arriver à cette chose. On fait attention au départ, tout doucement. Vous avez du temps, donnez du temps. Vous ne regretterez pas, inshallah. Donnez du temps à ces doros que vous faites. Les révisions, une bonne révision. Ce n'est pas que tu révises une minute. Là, une révision, pourquoi il a dit telle chose, tu lis, tu es capable de répondre. Tu maîtrises le sujet, tu donnes le haqq au livre. قال فلا ينبغي ان يهمل هذا الامر او ان يهمل هذا الامر. صحيح, on doit pas délaisser ce point important qui vient de citer. Et la méthodologie pour donner ce ilm. L'enseignant, il doit pas délaisser هذا, être ghafil, être insouciant. Là, il a une responsabilité. En tant que professeur, tu n'es pas tout seul. Les gens, ils te font confiance. Obama, des gens, ils se sont déplacés. Donne-leur هذا الحق. Si tu peux pas, ne rentre pas dans une chose que tu ne maîtrises pas. Tu feras du mal à toi-même et aux autres. قال وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم. كذلك المعلم, le professeur, il doit conseiller ses élèves. Il a vu une chose qui n'est pas acceptable, il le démontre. Il voit que ses élèves, ils n'ont pas révisé, il les conseille. Il leur montre. Ça, c'est notre dîn, c'est fondé sur al-nasiha. Et l'élève, il ne doit pas mal le prendre. L'élève, il doit bien comprendre que si ce professeur, il te conseille, c'est qu'il veut ton bien. C'est qu'il est passé. Parce que tu ressens ce que tu vis, hein, t'as mal révisé, ou t'es venu en retard, ou t'as manqué un dars. Le professeur, il a connu hada. C'était un talib avant toi. Lakin, il veut ton bien. Il voudrait pas ton bien, il t'aurait rien dit. Et ça, c'est pas que pour le professeur. C'est en général, celui qui te conseille, s'il te conseille, c'est qu'il veut ton bien. Lakin, elle doit être faite avec rifq, avec douceur, avec hikmah, avec patience. Un jour, deux jours, il le conseille. Hatta ce frère ou cet élève, il comprenne. Lakin, al-nasiha, c'est muhim. On n'a pas le droit de faire comme ils font Ahl al-Dhalal, ils se taisent. On n'a pas le droit, nous. Notre dîn s'est fondé sur hada, al-nasiha. On conseille. Avec une brief. On conseille sans être lourd, kadhalik. Un conseil qui mérite une minute, on fait une minute de conseil. Et on patiente. Et kadhalik, il faut bien savoir que changer une chose, c'est pas simple. Maintenant, un frère, il a l'habitude de venir en retard, il a du mal. Il se fait conseiller, le professeur est patient. Ils ont l'habitude de hada. Il lui faut du temps pour trouver un rythme. Il le conseille et yasbir. Qala wa sabru ala adam idrake. Kadhalik, on patiente, si on n'arrive pas à comprendre, à maîtriser, yasbir. T'as pas réussi à mémoriser aujourd'hui, inshallah ça viendra demain. Kadhalik, le professeur est patient sur cet élève. Et c'est ça le mourad de Cheikh Sa'di. Wa sabru ala adam idrak. Et peut-être que cet élève, il n'a pas appris par cœur. Peut-être qu'il n'a pas fait assez d'efforts. Le professeur, il patiente. Patiente, inshallah, ça va arriver. Et il le motive. Le but, c'est qu'on y arrive tous ensemble. Qala wa ala adam adabe. Kadhalik. Peut-être que c'est un frère, il est nouveau fi din. Peut-être que c'est un frère, il a été élevé dans une famille qui n'avait pas de adab. Ou dans un pays, dans un quartier où qu'ils n'avaient pas de adab. Il a été touché, il vivait avec eux. Au départ, il aura des comportements qui ne sont pas adaptés. Lakin as-sabr. Tant qu'il fait des efforts, alhamdulillah. Il se corrige et on l'aide à se corriger. Qala wa jafa'ihi. Na'am. Al-jafa'a, rubbama cet élève, tu le trouves hada chez certains débutants, ils ont de la dureté qui est mal placée. Une petite mas'ala, rubbama elle devient une montagne ma'a. Il sait pas, il n'a pas d'expérience, il n'a rien vécu. Alors, une petite chose, il perd ses moyens. Le mu'allim, il lui montre. Il lui montre, les petites choses, laisse les petites. Et la dureté, si tu veux être dur, sois dur avec toi-même. Fais des efforts, fais l'ilm. Sans dépasser les limites, bien sûr. Qala wa jafa'ihi ma'a shiddat hirsihi wa mulahadatihi li kulli ma yuqawwimuhu wa yuhadhibuhu wa yuhsin adaba. Na'am. Bien sûr, les efforts, on se conseille, l'entraide et on se corrige. Et si tu as fait une faute, ya akhi, c'est pas une catastrophe, c'est pas la fin. Tu as fait une faute, tu te remets en question, tu as été conseillé et tu te reprends. Et inchallah, ça arrive. قال لأن المتعلم له حق على المعلم. Bien sûr. Cet élève, il a un حق sur son professeur. Parmi les حقوق, c'est s'il se trompe, il le montre. Parmi ses حقوق, c'est que s'il glisse, il patiente. Parmi ses حقوق, c'est que s'il a des choses qui ne vont pas au départ, ce professeur, il patiente. Ça, c'est un حق qu'il a. Et كذلك, le professeur, il a un حق qu'on verra plus tard. قال حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس. صحيح. Et ça c'est une alama min alamat al-khayr. Cet élève, il s'est déplacé, il fait des efforts, il prend ses doses parce qu'il aime le ilm, donc il a du khayr. Et une personne qui a du khayr, on doit l'aider. قال وحيث توجه للمعلم دون غيره. كذلك, cet élève, il s'est déplacé, il est venu chez cet enseignant et pas chez un autre, donc il a un haq. Il a un droit, bien sûr. قال وحيث كان ما يحمله من العلم عن المعلم هو عين بضاعة المعلم. كذلك, si cet élève il est sérieux, il fait des efforts et il arrive à un certain niveau, il propagera le ilm de son professeur. C'est pour ça que Cheikh Sa'di قال هو عين بضاعة المعلم. Cet élève, inshallah, ça deviendra des hasanat pour toi. Les efforts que tu as fait, la patience que tu as eu, ma'a, s'il a un bon comportement, il fait des efforts, et lui-même ça devient da'i ilallah, ce qu'il propage, t'es récompensé. le professeur il est récompensé. L'annahu c'est la cause. قال فيحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب الرابحة فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. C'est comme un enfant pour le professeur. ربما المدرس الشيخ العالم ربما il a des enfants et ils font aucun effort في العلم. والله ses élèves ils sont plus utiles pour ce شيخ que ses propres enfants. أي من حيث الحسنات. Ça c'est une ni'ma azima et ça montre l'importance de propager ce ilm. قال الله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أهل يعقوب. قال والمراد وراثة العلم والحكمة. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث أي on laisse pas d'héritage. الأنبياء il laisse pas d'héritage. Il n'y a rien à partager quand ils meurent أي de leurs biens. لكن dans le verset Allah عز وجل قال يرثني ويرث من آل يعقوب. قد يقول قائل dans le hadith les anbiya les prophètes ils laissent pas d'héritage et dans le verset ce nabi il laisse un héritage. La compréhension sahiha معنى الآية c'est وراثة العلم والحكمة. C'est pas des biens là, c'est l'ilm. Ce cheikh, ce mudarris, ce alim, il laisse son héritage à ses élèves, al-ilm. C'est pour ça que l'ulama, c'est warathatul anbiya. L'ulama, c'est les héritiers des prophètes. L'imada, les anna, ils ont profité et ils propagent ce que ce prophète il a laissé, al-ilm. Qala, fal muallim ma'djur ala nafsi ta'limih. Ça c'est pour encourager al-ikhwan, pour encourager talabat al-ilm à faire des efforts à propager à hadha al-ilm. T'es ma'djour. Tu donnes des doros, t'es récompensé. Tu propages ce ilm, t'es récompensé. Naam. Fal mu'allim ma'djour ala nafs ta'lim. Sawa'un afham al-muta'allim ou lam yafham. Même si son élève, ses élèves, ils n'ont pas compris, il est récompensé, il a fait un effort. Lakin, il doit faire des efforts pour qu'il comprenne. Lakin, ça peut arriver à un cas, il a fait des efforts, lakin, c'est le talib qui ne comprend pas. Imma, il a un problème de mémorisation, un problème de compréhension, imma, il ne fait pas des efforts. Le professeur, il est récompensé, ala kulli hal. Et si son élève, il comprend, il propage son ilm, fa la récompense, elle est a'zam. قال فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. نعم. Et si cet élève il propage l'ilm, maintenant son propre élève il a des élèves et il fait des dorous et il propage, il fait des da'wah, enfin, le premier professeur il a l'ajr tant que ce ilm il est propagé, c'est lui la première cause. قال وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. C'est ça التجارة الرابحة. C'est ça le commerce. أي le bénéfice حقيقي c'est هذا. Et c'est dans ça qu'on doit faire des efforts. التجارة الحقيقية المثمرة في الدنيا والآخرة c'est هذه. Tu fais des efforts في العلم et Allah subhanahu wa ta'ala il t'élèvera في الدنيا والآخرة. قال فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها. Ça, ça motive le معلم, le professeur, le مدرس, le شيخ. Et il doit faire des efforts et penser à هذا. Penser au أجر. Ses élèves, ربما un d'eux, ça sortira un savant de la sunna, ça sortira un شيخ, ça sortira un imam d'un masjid, ça sortira un مدرس. Et c'est le professeur la cause. Il a l'أجر. قال فهي من عمله وآثار علمه. نعم سلوي لعكوز. قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الشاهد ونكتب ما قدموا وآثارهم. أي tout ce que tu fais c'est enregistré, tu seras récompensé si c'est du khayr. كذلك les traces. كذلك t'as été la cause et une chose elle a été faite par ta cause. فكذلك ce athar, ça s'appelle l'athar en arabe, et c'est toi la cause. كذلك t'es récompensé. Enfin, celui qui a un élève, et cet élève lui-même, ça devient un mudarris, et il propage l'ilm, ce athar. Et ce ilm qui est propagé, celui qui en est la cause, le professeur, il a l'ajr. قال فما قدموا ما باشروا عمله اي tu seras récompensé sur les œuvres que tu as fait directement. كذلك قال واثارهم ما ترتب على اعمالهم من المصالح والمنافع. كذلك les اعمال dont a été la cause. Maintenant tu as éduqué ton enfant à la sunna et tu as fait des efforts. Les efforts qu'il fera ton enfant, tu es récompensé. Tu as eu des élèves, كذلك tu es récompensé. قال أو ضدها في حياتهم وبعد مماتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Si l'être humain meurt, ses œuvres sont arrêtées, sauf dans trois cas. قال صلى الله عليه وسلم صدقة جارية. Une صدقة جارية. مثلاً il a creusé un puits. Lillahi Azza wa Jal, les gens, ils en profitent. Tant qu'il y a un profit, il est récompensé. Ça, c'est une sadaqa jariya, elle continue. Qala aw ilmun yuntafa'u bih. Aw un ilm, c'est lui la cause. Il a écrit un livre, il a fait des durus, il a eu des élèves, et les gens, ils profitent de son ilm, ou de ses élèves, ou de ses durus. Il est récompensé même après sa mort. Qala aw waladun salih yad'u lah. Al hadith il est fait sahih muslim. Ou un enfant salih, il fait des invocations pour toi. Lianna, cet enfant salih, la cause c'est toi. Tu as été la cause pour qu'il vienne au monde et tu as été la cause de son éducation pour que ça devienne un enfant salih. Inch'Allah, tu profites de ces deux. Qala al-Sheikh Sa'di wa yanbaghi an yarghab al-muta'allim bi kulli tariq. وينشطه ولا يمله بإشغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلم ومفرداته. كذلك le professeur, il doit motiver cet élève, il doit lui montrer qu'il est à la khair. S'il avance, il doit l'encourager et il le conseille quand ça va pas, et il fait attention de ne pas trop lui donner même s'il est motivé. Il est un robama, c'est trop, ويمل هذا الطالب, ça devient trop et ça le lasse et il avance plus. Enfin, chaque chose à sa place. Tout ça, bien sûr, avec ad-du'a. Talibul ilm et le professeur, ils font des du'a. Ils se font des du'a les uns pour les autres. Ils font des du'a pour eux-mêmes. Et avec la sincérité et cette méthodologie avec du'a, inshallah, yahsul illa al-khayr. Lakin, on ne se précipite pas. Attention, talibul ilm, tu te précipites à voir les fruits. Attention à elle. Un jour, une semaine, un mois, tu veux déjà des fruits. Pourquoi j'avance pas? T'entends beaucoup cette phrase, mais pourquoi j'avance pas? Ça, c'est minash shaitan. T'avances. T'avancerais pas, t'aurais délaissé. T'avances, lakin, hadha al-ilm, il faut du temps. Bard al-Nas, pour un diplôme, il fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études, tous les jours. 8 heures par jour. Pour avoir un diplôme. Un diplôme, rubama, qui est pas utile. Un tel ilm al-shar'i, c'est pas une semaine que tu vas tout comprendre et t'auras les fruits. Mais هذا t'as des fruits. La récompense, si t'es sincère, c'est un fruit عظيم. لكن بعضهم il se précipite. Et ça, c'est min wasawis al-shaytan, pour qu'il délaisse l'ilm. Lianna, il va se précipiter. Un jour, shaytan, il va lui faire croire que t'avances pas. Il n'y a aucun fruit. Délaisse, fais une autre chose. فالحذر من هذا. Tout doucement. Et inshallah, on est à la khayr. Allah subhanahu wa ta'ala, التوفيق للجميع. هذا ما يتعلق بالمعلم. Et le prochain dars, Cheikh Saadi, il va nous montrer les comportements de l'élève. Adab al-Talib. Et il va nous montrer les devoirs qu'il a, etc. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دماج افاق.com.